بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، لا زال الحديث متواصلا عن جماعة التبليغ من كتاب الشيخ العلامة النجم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. Enfin, Allah Azza wa Jal, c'est notre 44e cours autour de cette étude du livre de Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, intitulé « La source délicieuse et abondante dans la critique de certaines formes de la da'wa et de certaines croyances ». مع الصفات الست، ووقفنا عند الصفات الثالثة التي يقولون عنها العلم مع الذكر، أي علم المسائل لا علم الفضائل. Donc nous sommes avec la troisième Sifa, la troisième sifa qui est la science hein, avec l'invocation, et la science des vertus et non la science du sujet de la religion et de la jurisprudence. Donc, l'ilmu, ilmu al-fada'il, wa la ilmu al-masa'il. L'anna ilmu al-masa'il fi nazarihim yufarriqu. Donc, parce que pourquoi ils apprennent pas entre eux les sujets de la jurisprudence, parce qu'ils disent que ceci divise la communauté. Il y a des divergences. Wa nahnu fi sadati at-tahadduthi an kayfiyati saddim an al-ilm wa al-ulama. Et nous étions dans le paragraphe où nous voyons comment ils arrivent à détourner les jeunes et leurs disciples de la science et des hommes de science. Et nous avons vu le programme, que c'est un programme chargé, qu'il ne laisse pas à celui qui sort sur leur sentier, hein, qu'il ne lui laisse pas la place de pouvoir apprendre, même quand il revient chez lui, tellement le programme il est chargé et les fondements de ce groupe sont chargés. Et maintenant, والآن مع الطريقة الثانية في محاربة التبليغ للعلم والعلماء. Et maintenant, avec le deuxième point, comment ils arrivent, comment Tabligh arrive à combattre la science et les hommes de science. ومن طرق محاربة التبليغ للعلم والعلماء وطلاب أنهم يفضلون الخارجين في صفوفهم على أولئك جميعا. فتراهم يقولون لمن خرج معهم ما شاء الله أنت داعية، والداعية مثل السحاب يمر على الناس في أرضهم فيسقيهم وينبت العشب والكلأ. أما العلماء وطلاب العلم فإنهم آبار قد يقتلك الظمأ قبل أن تصل إليهم، بل قد تأتي البئر ولا تشرب منها، لأن الدلوة التي تلقى فيها غير موجودة. فيتكون في ذهن هذا الخارج في سبيل الله على حسب زعمهم. أنه أفضل من العلماء وطلاب العلم الذين يختصر نفعهم على أنفسهم وعلى القليل ممن استطاع الوصول إليهم، بينما هو نفعه قد عم البادي والحاضر. Et fait partie de leur façon de détourner indirectement les jeunes et leurs disciples de la science et des hommes de science, c'est que ils préfèrent ceux qui sortent fi sabilillah aux hommes de science et aux demandeurs de science. Et ils le voient, ils disent pour gonfler et pour donner l'audace à ceux qui sortent soi-disant fi sabilillah, ils disent Masha Allah, toi le da'i, tu es comme le nuage. Là où il passe, il verse son eau, il abreuve la terre et il fait pousser de l'herbe et des fruits et autres. Quant aux hommes de science et aux demandeurs de science, ils sont comme des puits. Tu peux mourir de soif avant d'arriver au puits. Et tu peux même être à côté du puits, et puisque le seau et la corde ne sont pas à côté du puits, tu peux mourir de soif. Et ainsi s'installe dans l'esprit de celui qui sort avec eux, qu'ils sont mieux que les hommes de science et que les demandeurs de science. Et que les hommes de science et les demandeurs de science, leurs bienfaits s'arrêtent à eux-mêmes. Quant à eux, les deux hâtes qui sortent fi sabilillah, soi-disant, leur bien va toucher ceux qui sont dans les campagnes, ceux qui sont dans les montagnes, ceux qui sont partout. Et l'une des énormités qu'ont entendu certains de nos frères qui sont imams dans la région, dans les alentours de la périphérique de Mecca, c'est qu'un jour un des tablighis est assis au cours du cheikh, de son éminence, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et il disait, ouais, ce sont des belles paroles, mais seulement Ibn Baz ne sort pas fisabilillah. Il faut qu'il sorte fisabilillah pour que ça soit mieux. Regardez à tel point. Ibn Baz, rahimahullah, c'est bien ce qu'il dit, mais il ne sort pas fisabilillah. Donc le baromètre pour eux, l'alliance pour eux, le désaveu pour eux, c'est sortir. Tu sors pas, tu n'es rien. Tu n'existes même pas. Tu es moins que rien. Inna hadha al-matal al-muzayyif yurid an yanqas 'ala at-tablighin min wujuh. Yurid an yanqad 'ala at-tablighin min wujuh. Chasse que cette parabole fausse et ce mauvais exemple détruit les tablighis par plusieurs cas de figure. Premièrement, inna as-sahaba la yanbitu illa al-kala' al-mawsimi. وكلاء البهائم وقد لا ينزل قطرا وقد يكون فيه الدمار والهلاك بخلاف ماء الآبار فإنه يسقى منها وتنبت كل زوج بهيج وحياة الناس حولها مستقرة والآبار ينتفع بها من مر بها وكلما نضح منها صفى لونها وطاب ماؤها وحسن ريحها. شاس فريرون الله عز وجل qu'on peut répliquer à cet exemple, que cet exemple détruit les tablighis et leurs disciples. D'abord, premièrement, parce que les nuages ne font pousser que des herbes de saison, qu'elles vont profiter tout simplement les animaux. Et peut-être que le nuage va même pas déverser d'eau, pas une goutte. Et peut-être que ce nuage va être un ravage pour une région. Et là où il va passer, il va détruire une région. Contrairement à l'eau de puits, tu la prends, il y a la vie qui va se constituer autour du puits. Et combien d'oasis ont vu le jour qu'avec des puits? Regardez le puits, de Hajar, la mère de Ismaïl alayhi salatu salam, alors que c'est une zone désertique. Comment la vie est devenue après, aux alentours de Mecca? Par le puits. Vous comprenez que had la parabole, had l'exemple d'El Tablerien, c'est un exemple tout simplement pour détourner ceux qui ne sont pas doués de raison et ceux qui ne réfléchissent pas. Quant à l'eau de puits, elle donne la vie, il fait naître des oasis. Il y a toutes des villes qui vont se créer autour du puits. Les animaux profitent de l'eau de pluie, du puits, les animaux et les humains. Et plus tu prends de l'eau du puits, plus l'eau du puits devient claire, plus il devient bonne, plus il a un bon goût. Taniyan, inna al-ulama humud du'at, fa khayru du'at humur rusul, thumma waratatuhum, wa humul ulama. Fa man farraqa bayna al-ulama wa du'at, fa qad safiha nafsa. Et ça, je ferai en Allah Azza wa Jal, deuxièmement, pour répliquer à cet exemple d'El Tablir, c'est que les hommes de science, ce sont eux les du'at il Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs de du'at, ce sont les prophètes, alayhi salatu salam, et leurs héritiers, et après eux, leurs héritiers, qui sont les hommes de science. Et celui qui fait la différence entre du'at et les ulama, celui-là, il est insensé. Talitan, inna al-ulama idahila, baynahum wa bayna da'wati ila Allah, فقد ركب الموجة العوام فعندئذ تقع الفتنة والعياذ بالله. Troisièmement, quand on crée une barrière entre les hommes de science et la da'wa ila Allah azza wa jal, il va y avoir que des perturbations. Les awam vont rentrer dans le large et vont créer que des problèmes et que des catastrophes. An Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه الشيخان. Et écoutez cette parole de notre prophète عليه الصلاة والسلام. Et actuellement, ce que je vous lis, ce n'est pas un commentaire de Cheikh Abu Malik. Donc, écoutez ce hadith du prophète, alayhi sallatu wassalam, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas la science en l'arrachant des cœurs de ses serviteurs, mais il prend la science en faisant mourir les hommes de science. Et au moment où il ne laissera plus de savants, les gens vont prendre à leur tête des ignorants, et ces ignorants vont leur poser des questions, et ils vont répondre, ils vont donner des verdicts sans science, et ils vont s'égarer, et ils vont égarer. Et actuellement, ce que vous entendez, c'est un résumé, hein, de certains écrits de l'un des élèves de Cheikh Nasser rahmatullah alayhi sur Jama'at Tabligh. Talitan al-ihaa ila murid talab al-ilm al-shar'i anna tariq al-wajd wal-dhawq aqrab wa aysar wa dhalika 'indama yaqulu ahaduhum amama al-mubtadi'i li-akhar ila ayna tadhhab ya fulan fa yaqulu al-akhar sa'adhhabu ila al-ulama. Donc, et aussi le troisième point, pour créer une barrière entre les hommes de science et la science, entre les hommes de science, la science et les hommes de science, et les tablir, et les adeptes de l'établir, s'ils insinuent à leurs disciples que la demande de la science de la législation, et c'est la voie, ça se prend par le goût. Et par ce qu'on sent et par ce qu'on vit. Et ceci, on le voit, comment ils agissent quand certains parlent avec les novices. Et des fois, ils disent aux novices, où tu vas? Et le novice et le débutant, il leur dit, je vais aller voir les hommes de science. فيقول الأول أي القديم ولما فيقول الآخر كي أتعلم الحلال والحرام. Et l'ancien tablir dit au nouveau tablir, et pourquoi tu vas aller vers les hommes de science? Il lui dit pour apprendre le licite et l'illicite, ce qui est haram et ce qui est halal. فيقول القديم الأول مستهجنا أنت لا تعرف الحلال من الحرام ما لك يا رجل ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك إن كثيرا من الذواب يعرف ذلك. ألا ترى إلى الهرة حينما تضع طعاما في مكان ثم تذهب ثم تعود إليه فترى الهرة تأكل منه فإنها حين تراك تهرب بخلاف ما إذا قدمت لها الطعام فإنها ستأتي وتأكل عندك أتعرف لماذا هربت في المرة الأولى ولما تفعل ذلك في المرة الثانية فيجيب الآخر وقد أخذته الدهشة وعلته الرحضاء لا فيقول الأول وقد أيقن أنه اصطاد فريسته وحال بينها وبين طوق الحياة وحبل النجاة الذي هو العلم إنها في المرة الأولى علمت أنها وقعت في الحرام فلذلك هربت منك والثانية علمت أنها وقعت في الحلال ولذلك أكلت عندك يا أخي إن الفطرة السليمة والعقول المستقيمة تميز بين الحلال والحرام وإن افتاك الناس وافتوك. Et on Allah Azza wa Jal, quand le jeune débutant, il dit, je vais voir l'homme de science pour connaître le halal et le haram. Hadak, l'ancien, lui dit, en se moquant un petit peu, tu ne connais pas le halal ou le haram, toi? Qu'est-ce que t'as? T'as pas entendu le prophète alayhi dire, demande à ton cœur, même si on t'a fait des verdicts, demande le verdict à ton cœur. Car beaucoup d'animaux connaissent ça. Et lui donne un exemple avec le chat. Il dit, regarde, le chat, quand tu lui poses, tu poses une nourriture quelque part, il vient, il mange dans cette nourriture. Dès que tu arrives, dès qu'il te voit, il se sauve. Mais si tu donnes à manger au chat, il va venir, il s'installe devant toi, il mange, il reste jusqu'à la fin. Il vient même te caresser avec son corps et faire des roros. Parce que tu lui as donné. Hein? Et le novice, il entend ça. Et l'étonnement le prend. Et il commence à avoir de la sueur froide. Et il lui pose cette question. Pourquoi le chat agit ainsi la première fois, il s'est sauvé? Et pourquoi la deuxième fois, il est resté? Et là, le jeune étonné lui dit, je ne sais pas. Et là, l'ancien tablir, c'est que maintenant, il a une victime bien préparée. Hein? Il se jette sur sa victime, comme se jette le lion sur sa proie. Et il va créer un obstacle entre cette personne et la science. Qui est le moyen pour être sauvé, hein, et pour être sur la bonne voie. Il lui dit ainsi, la première fois, le chat a su qu'il était dans le haram. Et donc il s'est sauvé quand tu y es arrivé. Mais la deuxième fois, il sait qu'il est dans le halal, c'est pour ça qu'il a mangé à côté de toi et qu'il se frottait à toi. Il lui dit ainsi, frère en Allah Azza wa Jal, La fitra, la nature saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et la raison saine fait la différence entre le halal et le haram. Même si les gens t'ont fait des verdicts, ils t'ont fait d'autres verdicts, même si tu as reçu beaucoup de verdicts. Regardez cette ruse avec laquelle maintenant, et ces insinuations avec laquelle ils vont créer des barrières entre la science et leurs disciples, l'islam. وهكذا أخي المسلم يقف التبليغيون في طريق العلم بالمرصاد يصدون عنه وإن أون عنه والله بصير بالعباد ainsi frère en Allah عز وجل les tablieries s'opposent comme obstacle sur le chemin de la science et détournent les gens du chemin de la science Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux il observe tout ورابعا كذلك من وسائلهم لإبعاد مريديهم عن العلم حصر مصادر تلقي العلم في ثلاث كتب قال الشيخ سعد الحصين كما أشرنا إلى ذلك من قبل فإن منهجهم يقتصر على ثلاث كتب بالإضافة إلى العشر صور القصيرة من كتاب الله رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى خص به المؤسس العرب وهو من أصح كتب الحديث في فضائل الأعمال وأكثرها ملائمة لهذا الغرض وقد تلقته الأمة بالقبول والاستفادة وهم لا يقرؤون منه إلا أبواب الفضائل أما الأبواب التي تتحدث عن العقيدة والعبادات مثل كتاب الأمور المنهي عنها فلا يقتربون منها ولا يشيرون إليها وكذلك يقرؤون الحديث دون وقوف على معانيه أو شيء من فقه لأنهم ينتظرون الفيوضات وينتظرون النور ولا يقرؤون الأحاديث إلا للتبرك حتى أن أميرهم في فرنسا وجد بعض الشباب يفسرون الحديث فأوقفهم قالهم هذا ليس من منهج الدعوة هذا ليس من منهج الجماعة تقرأ الحديث بس. Donc, et aussi fait par le quatrième point qu'il crée comme obstacle contre le fait de demander la science, c'est qu'ils ont arrêté leur source d'apprentissage sur trois livres. Comme il a dit Shahad al-Hassan, comme le rapportent beaucoup d'hommes de science. Comme il est passé avec nous, la voie d'Yel Tablir est basée sur trois livres. Point. Et sur les 10 sourates. Les 10 dernières sourates du livre d'Allah Azza wa Jal. Le premier livre étant le jardin des vertueux, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Et ceci est un livre particulier pour les Arabes seulement. Et il est l'un des très bons livres. Lequel la grande majorité, il n'y a que sur 1900 et quelques hadiths, il y a tout simplement 38 hadiths faibles, 40 avec deux qui sont en double. Et ce livre, sa majorité, la majorité des hadiths, ils sont dans les vertus des actes, les actes vertueux. Et tous ces hadiths vont dans le sens du Jama'at Tablir, c'est-à-dire dans le sens que ce que veulent Jama'at Tablir au niveau de la science des vertus. Et ce livre est accepté par les communautés. Et la communauté a pris bénéfice de ce livre. Regardez cette explication qu'on a fait, Cheikh Al-Utaymin, rahimahullah ta'ala. Combien de leçons on tire des hadiths, hein? Mais il faut savoir une chose, c'est que Jama'at Tablir, eux, ils ne lisent que les chapitres concernant les vertus et que les chapitres qui ont rapport avec Sifat Sitt, quant aux hadiths qui ont rapport avec l'aqida, avec l'ibadat, faire, ne pas faire, etc., ils s'en éloignent. Ils n'y font pas allusion. Et ils lisent le hadith sans explication. Ils sont chercher sa signification. Ils sont jurisprudence parce qu'ils attendent la lumière. Ils attendent que jaillissent sur eux les lumières de l'intérieur. Et une fois, hein, et je l'ai entendu directement de la bouche du Younes, le rémir de Paris, il est rentré dans une mosquée pour interdire, pour montrer à ceux qui sortent qu'il ne faut pas expliquer. Il est rentré dans une mosquée et il a vu des jeunes qui prenaient Riyad Salihin, qui s'amusaient à expliquer et qui commencent à lire des explications, etc. Il leur a interdit. On a dit non, les principes de la Jama'a, c'est de lire le hadith sans explication. Kadalika ikhwat al-islam, qasaru ilmahum ala Riyad Salihin, والأمر الثاني حياة الصحابة لمحمد يوسف الكندهلوي وخص به العرب أيضا وهو مليء بالخرافات والأحاديث الضعيفة ولا يجوز وضعه بين يدي العوام الذين لا يردون غيره وبالتالي لا يميزون بين الغت والسمين وإنما ينتج عن تداول مثل هذا الكتاب بينهم نشر الأحاديث الضعيفة والقصص الكاذبة اعتقادا بأنها صحيحة وقد قام بعض أهل العلم وطلابه بتحقيق الكتاب والاقتصار على الصحيح منه إلا أن ذلك أثار غضب التبليغيين ووصفوا بمن فعل ذلك بأنه يدمر الدعوة. Donc, le deuxième livre sur lequel il s'appuie, nous en avons parlé déjà, c'est Hayat Sahaba, la vie du compagnon qui a été traduit par Abdelraouf, l'homme de la Roquia dans la région parisienne, qui fait la lecture, qui rend la cristalline binite, sans ouvrir les bouteilles, il lit directement sur les palettes. Hein? Comme il l'a vu, là, ça a été vu directement dans quoi? Dans l'une des émissions de la 5 sur Tablir. Et une femme a frappé, il a demandé la bouteille, il déchire le plastique. Ça veut dire quand même, le plastique n'est pas ouvert et le bouchon n'est pas ouvert. Il n'y avait même pas eu de la lecture dans l'eau. Hein? Donc, et lui, il aura traduit ses livres en français. Regardez, il faut faire très attention à ces traductions. Parce que Hayat Sahaba, il a été fait pour les Arabes. Et dedans, il y a plein d'histoires à dormir debout. Plein de hadiths daïf. Et il n'est pas permis de mettre ce livre entre les mains du commun du musulman. Parce que le commun du musulman ne fait pas la différence entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Et le fait que ce livre soit dans les mains des communs des musulmans, ceci va faire propager dans la communauté des hadiths daïf et des histoires à dormir debout. Certains demandeurs de science ont authentifié ce livre et ils ont laissé juste, je crois que c'est le tiers qu'ils ont laissé de toutes les histoires, le tiers est authentique. Mais quand l'établir ont su ça, ils se sont mis en colère. Ils ont dit que celui qui a fait ceci, qui a authentifié ce livre, qui a enlevé toutes les histoires à dormir debout, c'est quelqu'un qui veut détruire Dawa. Et ils ont commencé à le traiter comme c'est la coutume. كذلك الكتاب الثالث عندهم تبليغ نصاب لمحمد زكريا الكندهلوي، ها خص به العجم وهو يجمع إلى الأحاد الضعيفة والموضوعة تزيين بعض البدع، مثل حث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للحاج أو الاستدلال بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني. وكذلك تزيين الشرك مثل يا رسول الله سألك الشفاعة، وتصديق الخرافة مثل حكاية خروج يد النبي صلى الله عليه وسلم من قبره تلبية لطلب أحمد الرفاعي لتقبيلها. وقال donc et تبليغ نصاب ce qu'ils traduisent en général hein, en français avec les enseignements de l'islam. Celui-là il est à Mohamed Zakaria al-Kandahlawi aussi, mais c'est un livre qui est particulier, qui n'est fait que pour les non-arabes et surtout pour les ourdous, les hindous et les pakistanais et les afghans etc, les bengalais et tout ça. Et ce livre contient des hadiths daïfs et inventés sur le prophète alayhi salam et embellit l'innovation. Et il incite à visiter la tombe du prophète alayhi salatu wasalam pour le pèlerinage. Il prend comme preuve un hadith daif, hein, dans le chapitre Fada'il al-Amal, Fada'il al-Hajj, hein, à la page 124, il cite ce hadith: celui qui fait le pèlerinage et qui ne me visite pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Et c'est un hadith inventé. Et dans ce livre, on embellit aussi l'associationnisme. Le fait, il est écrit dedans: Ô messager d'Allah, je te demande l'intercession. Et si dans ce livre, l'intercession, il se demande à Allah, Azza wa Jal, il ne se demande pas au prophète, alayhi salatu wasalam. Tu demandes à Allah, hein, qu'il te donne l'intercession de son prophète, qu'il te t'accorde l'intercession de Muhammad, alayhi salatu wasalam. Mais tu ne demandes pas à Muhammad, alayhi salatu wasalam, d'intercéder pour toi. Et il est dedans dans ce livre, c'est que il faut que la personne prend comme véridique les histoires à dormir debout, comme l'histoire de la main du prophète alayhi salatu wasalam qui serait sortie de sa tombe en exauçant la demande d'Ahmed al-Rifa'i, donc de la Tariqa al-Rifa'iya, le cheikh de la Tariqa al-Rifa'iya, pour qu'Ahmed al-Rifa'i l'embrasse devant 90 000 pèlerins qui ont vu tout ça, cette scène. Hein? Vous voyez ces catastrophes l'une derrière l'autre. وقال ايضا واختر من هذا كله ان كتاب تبليغ نصاب من قال هذا الشيخ سعد الحصين ان كتاب تبليغ نصاب الذي سبقت اليه الاشاره اليه يعتبر جزءا اساسيا من منهج الجماعه لغير العرب يتضمن سيلا من البدع والخرافات والشركيات ومن الامثله على ذلك. يقول في فضائل الأعمال في من أنه ينبغي للحاج إذا فرغ من حجته أن يبادر بالسفر إلى المدينة المنورة بنية زيارة القبر المبارك، لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم القربات والمساعي التي فيها فلاح. وهذا في كتاب فضائل الحج في تبليغ نصاب صفحة 120. Il dit aussi, il nous cite Cheikh Saad al-Hussein, qu'il y a plus dangereux aussi dans ce livre, Tabligh Nisab, et que ce livre est très dangereux en plus, c'est une pièce maîtresse dans la voie de ce groupe Jama'at Tabligh. Et surtout, c'est le livre principal des non-arabes. Et dedans, il y a un déluge d'innovation et d'histoire à dormir debout et de l'associationnisme. Parmi, et il cite certains exemples, il dit dans le chapitre les vertus du pèlerinage, il dit, il est obligatoire pour le hajj, quand il a terminé son pèlerinage, hein, d'accourir vite fait et de voyager vers là, vers Médine, avec l'intention de visiter la tombe, Akhal Islam, écoute bien, avec l'intention de visiter la tombe, binit, car le fait de visiter la tombe du messager alayhi salatu wasalam fait partie des plus grands actes qui vont te rapprocher d'Allah, et c'est une réussite. Et c'est une voie vers la réussite. كذلك في هذا الكتاب وهناك بعض الناس لهم من المنزلة العالية ما يجعل الكهبة المشرفة تتجه إليهم لزيارتهم بدلا من زيارتهم لها. Aussi dans ce livre, hein, il y a dedans, hein, à la page 111, dit qu'il y a certaines personnes qui ont tellement de valeur et qui ont une grande importance chez Allah Azzawajal qui fait que ce n'est pas eux qui vont vers la Kaaba, mais c'est la Kaaba qui vient vers eux là où ils sont. Vous imaginez la Kaaba se déplacer. S'il y a beaucoup de vertueux à travers la terre vers laquelle la Kaaba, quand est-ce que la Kaaba va rester à sa place? Quand est-ce qu'il va revenir d'Inde, là il va revenir hein, d'Afrique du Sud ou autre? Vous imaginez un petit peu ces énormités. Comment on peut gober ces genres d'histoires? Peut-être qu'Oma, hein, ils ont une autre vision et que ceci se passe d'une façon où Hnalokoma, on ne peut rien voir et que la Kaaba toujours reste à sa place et que la Kaaba en réalité se déplace. Allahu Ta'ala alam. Ils jouent au coup de l'illusion, je ne sais pas. Comment ça peut être possible? Et comment c'est possible de gober et de mettre dans un livre qui est un fondement de dawa? Dans ce groupe, de mettre une histoire où le prophète alayhissalam sort soi-disant sa main de la tombe pour qu'il soit embrassé par Cheikh de la Tariqa al-Rifa'iyya, Ahmed al-Rifa'i. Et, كذلك dans ce livre, Ya Rasulallah, as'aluka shafa'a, wa atawassalu bika ila Allah fi an amuta musliman ala millatika wa sunnatik. Aussi dans ce livre, marquez ce genre de dua. Ô Rasulallah, je te demande d'intercéder pour moi. Ô Rasulallah, hein, je te prends comme intermédiaire, chez Allah Azza wa Jal, pour que je meure muslim sur la voie de Muhammad alayhi salam et sur sa sunna. Est-ce que c'est ainsi la sunna du prophète alayhi salam? Par Allah que non. Par Allah que non. فإخوة الإسلام هذا هو علم جماعة التبليغ. سافرون الله عز وجل ساسة ها la science de jamaat tabligh. Et une fois à Roubaix dans la mosquée, il y a un petit groupe de qui est venu de Maubeuge, toujours dans le nord, dans le département 55. Maubeuge, Dunkerque, ce sont les grands fiefs de le tabligh au nord. Avec et donc ce jeune Français qui s'est converti, cette histoire, il a plus de 10 ans maintenant. Et donc, à cette époque où la question lui a été posée, il y a 10 ans à peu près, un peu plus de 10 ans. Et un de nos frères lui a posé la question suivante. Depuis quand tu es converti? Il a dit 3 ans. Il a dit, alors est-ce que tu as appris l'arabe? Il lui a dit, non, j'ai pas appris l'arabe. Abu Jahl est arabe, il va en enfer. Et c'est avec l'arabe que tu vas prendre de la science. Il a répondu, compte, moi je lui dis, c'est avec l'arabe que tu vas avoir de la science, il apprend. Il m'a dit, Shaitan a de la science, et pourtant il est loin de la clémence d'Allah, Azzawajal. D'où, à votre avis, d'où il tient ses idées? Il les a pas ramenées de sa tête. C'est un jeune converti. Il devait avoir, cette année-là, 21 ans. Il le mettait au piédestal. Il l'élevait. Il le gonflait d'orgueil en le mettant toujours en avant. D'où, à votre avis, il tient cette histoire? Que Abu Jahl, il est arabe, il maîtrise l'arabe, il va en enfer. Il est évident, Abu Jahl, il va en enfer parce que il n'a pas cru en Allah. Il n'a pas suivi Mohammed, alayhi salam. Il est évident que Shaitan, il est maudit, min Allah, azza wa jal. Mais subhanallah, regardez. C'est comme ça qu'ils arrivent à créer des obstacles. C'est pour ça, tu vois, beaucoup de nos frères convertis, plusieurs années dans le tablir, ils n'apprennent pas l'arabe et beaucoup de choses. Et même, certains de leurs imams, des imams d'Al tablir qui ont étudié au Pakistan, etc., ici dans le Nord, une fois, un jeune tablir a été le voir français, il m'a dit... On veut des cours pour apprendre l'arabe, etc. Il lui a dit comme ça, sors fisabilillah, et t'as besoin de quelque chose dans ta religion, tu viens me voir, je te donne. Hein? Ça, c'est la science de la jama'at tibliq. Amma dikruhum fa huwa soufi, mubtada. Fa taqdama shay'un min dalik. Donc, quant à leurs invocations, il faut beaucoup d'invocations qui sont soufis. Hein? Et sur ça, on reviendra sur les invocations soufis, parce que souvent, les frères ici en Europe, ils disent, nous, on n'a pas vu ça. Tchach, frère en Allah, azzawajal, Il y avait des trucs au niveau des invocations en Suisse, quelque chose de grave. Le mec, il coupe. Hein? Il joue avec l'invocation comme ils lui ont appris. 400 fois, illallah, la négation, en tapant sa tête vers la droite, illallah, illallah, ainsi, 400 fois. Et 200 fois, en tapant avec sa tête vers la gauche, vers le cœur, Allah, Allah, Allah. La ilaha, il le dit 400 fois. Il n'y a pas de divinité. En tapant avec sa tête sur la droite. Et sur la gauche, il tape avec sa tête, illallah, illallah, hein, pour, soi-disant, astiquer le cœur. Et ça, je l'ai vu. Un jeune Tunisien, qui est vieux parmi eux là-bas, hein, il faisait ça le soir après Salat l'Isha. Et ses yeux sont devenus rouges. Sa barbe bougeait dans tous les sens. Et regardez comment, d'où ils sortent ça. La négation, la ilaha, 400 fois. C'est-à-dire 400 fois, il dit qu'il n'y a pas d'adorer. Et plus tard, quand il a terminé ça, à ce moment-là, en tombant, en faisant bouger sa tête vers la droite, il dit illallah, illallah de son voix. Subhanallah. Et ça, c'est un jeu. Et bien sûr, il est évident que les petits novices de France, et d'ailleurs, on dit ça, on ne l'a pas vu, nous, on ne l'a pas pris. Mais tu l'apprendras pas comme ça, à l'islam, comme je te le dis. Une fois que tu seras une serpillière dans leurs mains, et qu'ils fassent de toi ce qu'ils veulent, et que pour ton mariage, tu auras pris la vie d'Yel Shuyur, et ceci, si tu vas au pèlerinage, tu demandes d'abord à Al-Mashayikh, une fois que tu acquires cette confiance, et que tu agis comme ils veulent, à ce moment-là, tu vas monter en grade. À ce moment-là, tu vas arriver à faire l'allégeance et avoir ton dhikr, akhal islam. Kadalika na'ti ila as-sifa ar-rabi'a, ikram al-muslimin. On arrive maintenant à la quatrième sifa qui est le fait d'honorer les musulmans. Ikram al-muslim, akhal islam. Hatta walau kana min al-mubtadi'a. ولو كان فاسقا وهذا لا يجوز ولا نغتر بهذه إكرام المسلم فسأقرأ عليكم قصص مخزية لهذه الجماعة حكاها الشيخ العلامة التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ donc frère Allah عز وجل on arrive à la quatrième qualité soi-disant ou la quatrième caractéristique ou le quatrième fondement plutôt honorer le musulman. Ah. Ça, c'est un bel emblème, comme les autres beaux emblèmes qu'il donne, les trois premiers qui sont passés. Honorer le musulman, même s'il est innovateur, même s'il est pervers. Et ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis, à l'islam. Et qu'on ne se fasse pas avoir par ce titre. Hein? Et je vais vous lire une histoire de l'un pakistanais. Comme il est rapporté par l'Allama Cheikh Twijri dans son livre, le Qawl al-Baligh fi Tahdhir Jama'at Tabligh. Fal-Ikram, faqat lil-Ahbab al-Kiram, comme il les appelle. Wandurhum, indama yaltaqoun, yu'aniqoun al-Ahbab, wa ida kan al-Awam, qurbahum, sallamu ala al-Mukhalifi lahum, wa illa la yusallimuna alayh. Donc, honorer le musulman, c'est tout simplement réservé à leurs adeptes et entre eux. Et regarde-les, quand ils se retrouvent, ils se font des accolades. Et s'il y a des awam à côté d'eux, ils vont saluer celui qui est en divergence avec eux. Mais s'il n'y a pas d'awam, ils vont pas le saluer. Parce qu'ils se sont des malins. Ils entretiennent l'image de marque. Kayfa ikramu kulli muslim, walau kana fasiqan. مبتدعا أين الولاء والبراء ويأتون إلى الفاسق العاصي يكرمونه بأشياء مخزية وربما دخلوا عليه وهو يدخن أو يشرب البرة وجلسوا يتحدثون معه وربما توددوا إليه بقولهم سيعفو الله عنك لا بأس فالله المستعان وهذا يدلك على جهلهم بشرع الله عز وجل. وتسمع أنهم أشياء غريبة. أن الله عز وجل ها كيف كو سافو دير honorer le musulman, même s'il est pervers, même s'il est innovateur. Oui, l'alliance, il disait, veut dans ces cas-là. Il vient vers le pervers, vers le désébouillissant. Des fois, il l'honore avec des choses qui sont interdites. Là, il rentre chez lui des fois, s'il leur ouvre la porte, il est en train de fumer, en train de boire la bière. Il n'y a pas de problème, il reste à discuter avec lui. Ils vont même se rapprocher de lui. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner. Tu vas bientôt arrêter, etc. Il n'y a aucun mal. Bien, tu vas t'arrêter. Hein? Et cela te prouve comme quoi ils sont ignorants de la législation de Allah Azza wa Jal. Et tu entends des choses sur eux étonnantes. هذا طبع التبليغيين إخوة الإسلام. الإكرام زائد الذي يصل إلى حد الرعونة ويتعاملون بهذا مع أهل البدع وأهل الفسق والفجور. نعم يريدون بذلك تليين القلب وأن يتقرب منهم ويمشي معهم ويكرمون من 100 من هؤلاء وربما واحد منهم فقط يدخل معهم والباقون ما يستحقون الاحترام. Donc ça c'est la caractéristique et la nature du tablighi. C'est honorer n'importe qui à un point où il dépasse la limite. Où ils s'avilissent. Hein? Ils rentrent en contact avec les innovateurs, ils s'avilissent devant eux, avec les pervers, avec les soulards. Oui, bien sûr. Hein? Ils veulent adoucir leur cœur et se rapprocher d'eux pour qu'ils marchent avec eux, ils l'honorent. Et peut-être ils vont faire ça avec 100 personnes. Peut-être il y a un seul qui va répondre. Et les autres, ils ne méritaient pas tout cet honneur qu'on leur a donné. فالإنسان في الحقيقة في هذا المنهج يدل نفسه ولا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لأهل المعاصي وأهل الفسق وأهل البدع. وهذه نشأت من ماذا؟ من التربية الصوفية التي هي إهانة النفس لكي تربيها. هنا الله عز وجل المسلم en réalité ne doit pas s'avilir. Il n'appartient pas aux croyants de s'avilir devant les gens de la désobéissance, devant les innovateurs, devant les pervers. Et cela découle de quoi, si jamais à Tibler? De cette éducation sophie. Parce qu'il s'est dit qu'on est on s'avilissant, soi-disant, pour se maîtriser, pour s'éduquer. Et les exemples, si le sophie sont nombreux, il y a une fois, il est rentré dans un bain public, et autrefois dans les bains publics, comme il est raconté dans le livre, dans le livre des sophies. Dans le public, on donne des draps, des énormes draps de 2 mètres de long. Et il a fait exprès d'en voler un, mais de le voler devant le concierge du hammam public. Et il l'a vu sortir, il l'a pris pour le vient le frapper, etc. Il a expliqué, j'ai fait ainsi pour maîtriser, pour recevoir les coups et pour maîtriser mon nefs. Un autre, il a acheté une énorme grappe de bananes. Il la met autour du cou, il rencontre les enfants dans la rue, il leur dit, crachez-moi sur le visage, je vous donne une banane. Tout ceci pourquoi? Soi-disant pour avilir son nefs, pour ne pas avoir de l'orgueil, pour l'éduquer. Ainsi. Ça, c'est la voie d'Il Soufia. Ainsi, ils agissent. فمنهج التبليغ إخوة الإسلام منهج فاسد وبني على أصول فاسدة. Savoir, frère Allah, Azzawajal, comme disent les hommes de science, la voie d'Yel Tedblir, donc Dawa, est une voie mauvaise et il est basé sur des choses qui sont nulles et non avenantes. Wat Tedblir, yun indaum hadi l'izdiwajia, yukrimuna kulla muslim, illa talib al-ilm, idha kana yuhaddirum minhum. ومن منهاجهم بل يتكلمون فيه ويكذبون عليه كما جرى معنا فيه هنا في دوي وفي لونس وفي روبي وجرى مع كثير من إخواننا حتى ذهب بعضهم إلى الشرطة. وهذا لم يقع معي أنا وحدي لم يقع مع كثير من الإخوة. فسأحكي لكم قصة أخينا علي العراقي وإخواننا في ميتس. وإذا عرفوا منك أنك تحذر منهم ومن منهجهم الفاسد ما يكرمونك بل يكذبون عليك ويلطخونك بكل باطل فأين إكرام المسلم؟ فالسلفيون أحق بالإكرام من غيرهم ولكن هذه ازدواجية الحزبيين دائما هم طيبون مع كل أحد إلا مع أهل السنة ومع السلفيين إذا كنت إكرامك إذا كنت مخالفا يهددونك كما جرى معي ومع الأخ أخونا شعبان هنا في دوي دونك فخيرنا الله عز وجل لتبلغي ils ont cette double personnalité, ce double visage. Ils honorent tout croyant, sauf le demandeur de science. Et surtout, c'est un demandeur de science qui avertit contre leur voix. Ils le calomnient, ils parlent sur son dos. Comme ça s'est arrivé avec nous ici dans la région de Douai, dans le nord de la France, à Lens, à Roubaix, un peu partout. Ils sont allés même jusqu'à la police pour raconter des choses et pour... dire des choses sur certains de nos frères qui ne sont pas et de dire à la police comme quoi certains de nos frères ce sont des agents du FN et etc. Plus d'un et je vais vous conter ce qui est arrivé avec nous ici dans le nord et aussi en même temps ce qui est arrivé à notre frère Ali El-Iraqi dans la région de parisienne à Montfleury et ce qui est arrivé à nos frères à Metz. Quand ils savent qu'on y a vertu contre eux et contre leur voix nulle, bah c'est plus le, c'est, ils t'honorent plus. Quand nous on a rencontré Younes ici à Douchy quand j'étais imam dans une petite mosquée ici dans un village, bah c'était une menace indirecte. Et ils vont mentir sur ton dos et te salir si l'awam. Ils racontent sur ton dos n'importe quoi. Où est donc l'honneur, honorer le musulman? Alors que les salafis, ce sont eux qu'on doit honorer, mieux que quelqu'un d'autre, parce qu'ils se cramponnent à la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est la double facette des hizbis. Ils sont toujours bons avec tout le monde, sauf avec les salafis. Sauf avec les salafis. Prenez par exemple... Ce qui est arrivé à notre frère Ali El-Iraqi, notre frère Ali El-Iraqi avertissait contre eux pendant plusieurs années. Et un jour, ils sont rentrés dans une mosquée en train, et il était en train de faire cours. Ils ont commencé à crier dans la mosquée. Pourquoi tu avertis contre le Qardaoui? Pourquoi tu avertis contre le Jama'a? Pourquoi toi tu es... Ils commençaient à le traiter et à l'insulter dans la mosquée. Subhanallah. Et tout est enregistré, ils n'ont pas vu Allah, subhanahu wa ta'ala les a aveuglés, ils n'ont pas vu que tout était en train d'être enregistré. Et quand il y a eu Salat al-Isha, puisque ça s'est passé entre le Maghrib et l'Isha, à Montfermeil, ben ils n'ont pas prié derrière lui. C'est quoi cette position-là? Quand on ne veut pas prier derrière quelqu'un, c'est qu'on l'a rendu mécréant. On croit qu'il est mécréant. Et une fois qu'il est parti chez lui, ils l'ont attendu au pied de l'immeuble. Et ils l'ont malmené, ils l'ont fait tomber et s'est cassé un bras. Et dans la nuit, certains parmi eux sont allés lui ont cassé un 4x4. À cette époque, il commerçait dans les voitures, ils lui ont cassé un 4x4. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses. Ce 4x4, lui, il l'avait vendu à l'un des leurs la veille. Et quand tous nos frères salafis ont su cette histoire, ils voulaient venir les attaquer et faire des trucs. Mais alhamdoulilah, certains de nos frères ont téléphoné à Cheikh Rabi et nous ont dit à Cheikh, voilà ce qui s'est passé avec notre frère Ali, et on va aller les massacrer. Cheikh Rabi lui a dit non, vous faites rien du tout, laissez-les. Et c'est que à ce moment-là, tous les hommes de science, à Médine et un peu partout, ils ont su cette histoire. Regardez cette différence qu'il y a. Regardez nos frères salafis. Avant de faire quoi que ce soit, et avant d'attaquer, ils ont appelé Cheikh Rabia, qui leur a donné la bonne orientation. Ils l'ont attaqué, ils ont cassé le bras à notre frère, ils ont cassé la voiture, et un mois après, et son bras n'était pas encore guéri, nous avions eu le séminaire d'Aulnay et les hommes de science l'ont vu. Cheikh Bazmoul a vu et a su l'histoire de notre frère Ali, Cheikh Abdallah al-Bukhari, Cheikh Salih Zubaydi et d'autres machayikh ont vu. Voyez un petit peu. Hada c'est l'ikram. C'est ce qu'ils appellent honorer le musulman. Il ne faut pas se faire avoir par les titres. Et des fois, voilà ce qu'ils font. Nos jeunes frères, des fois, ils ne savent pas. Ils viennent et les allument devant l'awam. Et le frère, il veut défendre la voix, il veut et défendre la science, etc. Ils s'enflamment. Et des fois, ils s'emportent. Et il part après. Mais au moins, il reste avec l'awam. Et après, il le dénigre devant l'awam. C'est ça la science, c'est ça la vérité, c'est ça le salafiyine. Et il commence. Et comme ça, il gagne du terrain. Haka. Notre frère, lui, il n'a pas su se maîtriser. Il n'a pas su se maîtriser. Il est novice, etc. Hein? Et c'est arrivé. Il s'est emporté. Mais Houma, ils profitent. Ils utilisent ce genre de situation. Hein? Faire très attention à vous. Il ne faut pas qu'on dise, ils sont bien, ils ramènent des gens, et ceci, cela, l'islam. Il faut voir les fondements. Les fondements vers quoi ils les ramènent. Est-ce qu'ils les ramènent vers la voie de leur puiseur d'Allah Alim? Non. Donc, il n'y a aucun bien dedans. Hein? Et quand nous, on a commencé il y a plus de 10 ans, 13 ans maintenant, à avertir contre eux, hein? Ils nous ont salis partout. Ils sont allés au consulat, ils sont allés chez les flics, ils ne sont pas laissés à tel point qu'ils faisaient maison par maison. On dit attention à vos enfants, ils fréquentent telle personne, il est recherché par la police marocaine, il est recherché par la police européenne, il est recherché. Et certains de nos frères pleuraient à cette époque-là, parce qu'ils ne pouvaient plus se rapprocher de nous ni nous parler. Il fallait qu'ils sortent de la ville pour qu'on puisse les rencontrer. Et un parmi eux, à qui ils ont dit des calamités sur nous, j'ai voyagé avec lui de la ville depuis Concours jusqu'à Agadir, là où résident ses parents. Et je suis arrivé devant ses parents. Et ils ont vu. On a traversé combien de police? La frontière, la police des frontières françaises, espagnoles, marocaines. Et je suis arrivé jusqu'à ses parents. Et je suis revenu avec. Allah subhanahu wa ta'ala fait que ces gens-là, des fois, ils ne pensent pas à ce qu'ils disent. Voilà, on a un que je connais ici, que je plains beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève les bandeaux qu'il y a sur les yeux. Vous comptez maintenant, il est marié avec l'un de leurs anciens, qui est considéré comme le chir ici dans le Douizi. Dans le nord de la France. Hein? Et son père, souvent, le père de ce frère, il n'a pas de permis, il est d'un certain âge. Et avant, il travaillait dans les mines comme tout le monde. Et il sortait où? Beaucoup. Beaucoup il sortait. Avec sa femme, avec... Hein? Et il faisait beaucoup d'efforts sur les jeunes, etc. Et souvent, son père a besoin de lui. Pour le conduire, etc. Et moi, souvent, son père venait se plaindre à moi. Hein? Et une fois, j'ai parlé avec son beau-père, celui qui lui a marié sa fille, qui est une des grandes têtes. Mais t'as vu, telle personne a besoin de son fils pour le conduire. Tu vois, c'est ce qu'il m'a dit. Vous comprenez ce que c'est qu'Ikram le Muslimin. Hein? Il m'a dit, il avait qu'à passer son permis quand il était jeune. Subhanallah. Ainsi. Et cette personne, ce jeune, quand son père est mort, il n'était même pas là. Il était dans le Khourouj avec sa femme, dans ce qu'ils appellent le Mstourat, la sûreté des femmes. Hein? Et des fois aussi dans leur hidayat, ils disent, hein, quand tu trouves quelqu'un qui est en train de travailler, hein, ne parle pas trop avec, etc. Mais c'est faux aussi. Un de nos frères, 15 ans, il était avec eux et qui faisait beaucoup d'efforts. Wallah, sa maison, elle n'est pas encore terminée maintenant, 25 ans après. Il ne le laissait pas terminer son travail. Chaque fois qu'il commence, il vient. Il y a un jeune par là, il y a une réunion par là, il y a ceci par là, etc. parce qu'il avait un style et il avait hein, un style, il avait de la tchatch. Non, il ne le laissait pas. Là où il y a quelque chose à faire, il était le premier. Mskine, il croyait, il avait une bonne intention. Il croyait. Et voilà. Il a perdu 15 ans dans le vide. Hein? Alhamdulillah, maintenant, il est sur la voie de ne plus être d'Allah alayhim et il fait un grand effort dans cette dawa pour lui-même et pour sa famille et pour ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Tout ceci pour te faire aussi compte Hada Younes pour vous montrer comment ils honorent à ceux qui montrent leurs défauts et qui montrent leurs erreurs. Quand il y a 13 ans maintenant, hein, on s'est fait visiter dans ma mosquée par la mosquée où j'étais imam. Je remplaçais l'imam de ce petit village. Et Younes a su que beaucoup de jeunes ne sortent plus dans le Douizé parce qu'il y a un jeune qui distribue des cassettes et des paroles et des textes des hommes de science sur Jamaat Tabligh, etc. Ben, il a voulu nous rencontrer et il a contacté un jeune qui était entre les deux à ce moment-là. On a dit bien qu'il vient à la mosquée. Il est venu. La première chose, hein, Wallah, il y avait sur la table, il y avait une table, il est venu avec son beau-frère, un de ses beaux-frères, et il est venu avec deux convertis, un espagnol et un français. Et ce français mskin lui ont fait rater le fait de rentrer à l'université. Parce qu'à ce moment-là, il y avait certaines chouyours qui étaient là, au début des années 90, ils lui ont demandé pour venir étudier à Médine. Il a dit, je demande au machaïr. Quand il a demandé au machaïr, il a dit, tu y vas pas. Ainsi, ils ont coupé la route. Donc, Cheikh Younes, il vient, moi je l'accueille dans la pièce qui m'était réservée à la mosquée. La première chose qu'il voit sur la table, à cette époque, je l'avais ramené d'Arabie Saoudite, 8 tomes, Duriyat Salihin, édition d'Arl Watan, mais dans lequel il y a tout simplement l'explication de 865 hadiths. C'était pas terminé encore. Et le livre d'Yal Tafsir al-Quran de Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala. Quand il voit ça, il dit, moi aussi, quand il a vu le livre, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, moi aussi, mon frère était un grand savant à Zaytouna, en Tunisie. Subhanallah. À quoi ça vous fait penser ceci? Moi aussi, hein, si tu veux quelque chose, j'ai mon frère qui est plus grand que toi, il peut te plier en deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça, c'est digne d'un émir, d'un jama'a, d'un da'i l'Allah? Hein? Et il a commencé et à nous raconter des histoires à dormir debout et des rêves, etc. Et à la fin, quand il a vu qu'il n'y a rien à faire, il a dit, maintenant c'est la menace, indirect. Il a dit, vous savez, il y avait avec moi un des frères qui était avec eux 15 ans. Et il m'a dit, vous savez, quand l'ambulance va chercher un blessé, une fois qu'il cherche le blessé, le constat est fait, tout le monde va vaquer à son travail, les commerçants sont dans leur bituque, les badous se sont dispersés, l'ambulance et les infirmiers rentrent, et après ils démarrent. Et si quelqu'un se met sur, tellement les ambulanciers sont pressés, si quelqu'un se met sur la route, ben il va les écraser, il va les tuer. Allez, subhanallah. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنْ Tout simplement, il nous arrivera ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour nous. Et on a arrêté la discussion là. La même chose est arrivée avec Ibn Nuna, l'un de leurs émirs d'ici, et un an après, il ne fait le même truc. Voyez comment c'est l'ikram al-muslimin. Va se faire avoir, frère en Allah, azza wa jal, ikram al-muslimin. Ikram al-muslimin, ils honorent celui qu'ils veulent. Hein? Maintenant, écoutez cette histoire qui est arrivée à l'un des leurs, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les yeux. Hein? Et qui est rapporté dans le livre « Al-Qawl al-Baligh fi al-Tahdhir min Jama'at al-Tabligh ». فهذه القصة الرابعة عشر قصة الشيخ أبي سعيد محمد بن عبد الله اليربوزي أمير السلفيين في بلجيكا مع جماعة التبليغ هناك وقد ذكر قصته معهم في تقرير أعده في 24 في شهر 9 سنة 1408 وقد أرسله الشيخ أبو عمرو مصطفى بن خضر الإنقولي إلى أحد المشايخ في المدينة بتاريخ 24 في 6 في شهر السادس سنة 1409، فارسل الشيخ المدني إلي صورة منه، وهذا نص التقرير. دوك واسي الشيخ تويجري دو نودير لستوار نيميرو 14 à la page 50 dans le Qawl al-Baligh, dans l'avertissement sur Jama'at Tabligh. Et pour ceux qui maîtrisent l'arabe, je vous conseille de lire ce livre. C'est l'un des meilleurs qui a été écrit sur ce groupe. Il dit l'histoire du Cheikh Abi Saïd Mohammed ibn Abdullah al-Yarbouzi, l'émir des salafines en Belgique, avec Jama'at Tabligh en Belgique. Et son histoire a été cité dans un rapport qu'il a lui-même fait le 24 du 9e mois de l'an 1408 de l'Hégire. Et ce rapport, il l'a envoyé à Cheikh Abu Amr Mustafa ibn Khadr al-Inkouli, l'un des mashayikhs de Médine, en le jour du 24 du 6e mois de l'an 1409 de l'Hégire. Et ce Cheikh de Médine l'a envoyé directement, a envoyé une copie de ce rapport à Cheikh Abdallah, Cheikh Hamoud Toujiri, rahimahullah ta'ala. Fayaqul, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillahi wa kafa, wa salati wa salami ala nabi al-Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ba'd, nazaran ila talabi ba'd al-ikhwa al-sa'udiyin, بيان مشاهداتي وآرائي في جماعة التبليغ، أجبت إلى ذلك مرتبا بعض ملاحظاتي فيها على النحو التالي. Il dit dans sa lettre, après avoir fait les louanges à Allah Azza wa Jal, les prières sur notre prophète عليه الصلاة والسلام, il dit: vu que certains de nos frères en Arabie Saoudite m'ont demandé de témoigner de ce que j'ai vu de جماعة التبليغ et mon opinion sur Jama'at Tabligh. Il a dit, j'ai écrit mes observations sur Jama'at Tabligh selon dans l'ordre qui suit. Et voici, je vous le lis comme il les a écrits. Yaqulu kuntu ana wa shakhs akhar fi sanat 1980 1970 أول من خرج للتبليغ مع حافظ بك الذي مر ببلجيكا بعد رجوعه من الحج مع جماعة التبليغ. والشخص الآخر هو الأخ عبد القادر عمر قوش، أمير هذه الجماعة حاليا في بلجيكا. ورغم أني كنت من قبل أنتمي إلى جماعة نشيطة بتركيا، إلا أنني أقدر حتى الآن جماعة التبليغ التي تخرج إلى الشوارع والمقاهي لدعوة جميع المسلمين. ولكن ذلك الوقت لم تكن لي معلومات في قضايا التوحيد، لذا لم تتكون لي ملكة تمكنني من الحكم عليهم في مسائلهم الاعتقادية والعملية، وعملهم الوحيد الذي كنت أقدره فيهم هو الإيثار على أنفسهم. Il dit dans sa lettre: j'étais moi une autre personne en l'an 1970, le premier qui est sorti avec Tabligh, avec Hafid Bik, qui passait par la Belgique après s'être revenu du pèlerinage avec un groupe d'El Tabligh. Et l'autre personne était Abd al-Qadir Omar Kouch, l'émir du Jama'a à cette époque en Belgique. Alors il dit, malgré que j'appartenais à un groupe très actif en Turquie, mais je considérais la Jama'a Tabligh parce qu'ils sortaient dans les rues, ils allaient au café pour appeler les musulmans vers, pour appeler tous les musulmans. Il dit, mais à cette époque-là, je ne savais rien. Je ne connaissais pas les sujets du monothéisme. C'est pour ça que j'avais pas d'outils et pas de fondements pour pouvoir juger leurs croyances et leurs actes. Et leur acte que je voyais d'eux, que j'estimais, c'est que ils mettaient en avant les besoins des autres par rapport à eux-mêmes. Si c'est une image, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sauf ces certains novices, hein? وفي عام 1972 خرجت معهم للتجول إلى إنجلترا وفرنسا وشمال إفريقيا، وذلك لمدة 3 أشهر، علما بأن هذا الخروج لم يكن برضا أهلي. Il dit en l'an 1972, je suis sorti avec eux pour me promener à travers l'Angleterre, la France et le nord d'Afrique. Pendant 3 mois, en sachant que ce khourouj, ma famille n'était pas contente pour ce khourouj. وفي نهاية هذا السفر قدمت إلى تركيا لخدمة التجنيد ومكثت فيها 2 سنين ورجعت إلى بلجيكا سنة 1974 وكان في شهر 6 في شهر 6 خروجي معهم مرة أخرى. فخرجت إلى باكستان والهند عن طريق إنجلترا لمدة 4 أشهر، وكذلك لم يرضى أهلي لهذا السفر إلا أن اعتقادي بصحة هذا العمل لم يعطني فرصة للتفكر في عدم رضا والدي. Il dit à la fin de ce voyage, je suis revenu en Belgique, en Turquie, où j'étais appelé faire mon service militaire. Et je suis resté 2 ans en Turquie. Et en l'an 1974, je suis revenu en Belgique. Et en 6e mois, je suis sorti avec eux une autre fois. Et cette fois, je suis parti vers le Pakistan et l'Inde, en passant par l'Angleterre pour 4 mois. Il a dit encore une fois, cet acte n'a pas plu et ce voyage n'a pas plu à ma famille. Sauf que mes croyances, je croyais en la validité de leur acte, et donc cette croyance m'a aveuglé pour ne pas ne méditer sur la situation et sur le fait que mes parents n'étaient pas contents. وفي هذه المرة تعرفت ببعض الإخوان السعوديين والبحرينيين ومعاشرتي معهم كانت تساعدني على تعلم اللغة العربية منهم. لكن بعض الأشخاص من كبراء هذه الجماعة كانت تحذرني منهم، فكانوا يقولون لا تجلس مع هؤلاء لأنهم وهابيون وعقائدهم تخالف عقيدة أهل السنة، وليس عندك معرفة أيضا في الدين، فلذا سيضلونك. Il a dit à cette fois-ci, c'est-à-dire durant son voyage vers l'Inde et le Pakistan, il a rencontré des frères d'Arabie Saoudite et de Bahreïn. Il a dit en restant avec eux, cela m'a aidé à apprendre la langue arabe d'eux, et certaines personnes parmi les grands de la Jama'a d'Al Tabligh m'avertissaient contre eux. Ils disaient ne reste pas avec ceux-là, ce sont des wahhabites et leurs croyances sont en divergence avec les croyances des gens de la Sunna. Et toi tu n'as pas de connaissances en plus dans ta religion, ils vont t'égarer. Regardez, subhanallah. ورغم أن هذه الكلمات كانت تخوفني، فكنت أتساءل وما هي عقائدهم الضالة؟ وفي مدة قصيرة بارتباطي معهم عرفت أشياء كثيرة، وفهمت أن هؤلاء الإخوان كانوا يتكلمون عن التوحيد فقط ويطعنون في مسائل الشرك، وهذه الجماعة التبليغ كانت لا تحب أهل التوحيد، إلا أن سوقهم الإخوان الحجازيين والخليجيين للتبليغ كان لإرجاعهم عن عقيدتهم الصحيحة، وذلك عن طريق إظهار سلوكهم الحسنة. أحسست ذلك الحال بعد معاشرتي لهؤلاء الإخوان. Il dit malgré tout ça, ces paroles, c'est-à-dire ces avertissements du grand de Jamaa Tbilis lui faisaient peur. Il se posait des questions. C'est quoi les croyances égarées de ces gens-là? Il a dit on a laps de temps. Avec ma liaison avec ces Saoudiens et ces Bahreïniens, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai compris que ces frères ne parlaient que du monothéisme et qu'ils dénigraient l'associationnisme, ils avertissaient contre eux, l'associationnisme. Mais Jama'at Tabligh n'aimait pas les gens du monothéiste. Et s'ils ont amené ces Hijaziens et ces Khalijiens et ces gens du Golfe avec eux pour Tabligh, c'est surtout pour les faire sortir de leur aqida authentique. Et il a dit ceci et par l'intermédiaire du bon comportement que leur montrait Jama'at Tabligh. Il a dit ceci, je l'ai senti. Après mon contact avec ses frères. فعندما رأت هذه الجماعة أن بعض آرائها قد تغيرت وبدأت أخالف مذهبهم الحنفي ببعض أعمالي، تركوني وحدي لأن الذين أكرموني ورغبوني في التبليغ ظنوا أني سأؤثر على الأتراك الخارجين معنا، ورجعت من الهند إلى بلجيكا بذلك السبب، والإخوان ببلجيكا بدأوا يتعاملون معي بمعاملة باردة وإن كانوا لا يظهرون بذلك. Bah écoutez maintenant, frère, en Allah Azza wa Jal, toujours dans l'histoire de ce Turc. Il dit, quand la Jama'a a vu que mes idées ont changé et que j'ai commencé à voir des actes qui sont en divergence avec la voie des Hanafi dans certains de mes actes, ils m'ont laissé tout seul. Parce que ceux qui m'ont honoré parmi le Jama'a et qui m'ont incité à sortir, ils ont cru que, comme je suis Turc, je vais aller avoir un impact, quand je serai formé, je vais aller avoir un impact sur les Turcs. Il a dit, je suis revenu de l'Inde vers la Belgique à cause de cette chose. C'est-à-dire pour avoir de l'impact sur les frères turcs qui sont en Belgique. Il dit, les frères en Belgique ont commencé, quand ils ont vu mes divergences avec la voie d'Al-Hnaf, ils ont commencé à être froids avec moi dans leur comportement, même s'ils ne le montraient pas. ويقول واخيرا بدأت أقطع ارتباطي مع هذه الجماعة ورغم ذلك كنت أعاملهم معاملة جيدة إلى أن جاءت حادثة الاجتماع في يوم 28 رجب سنة 1402 للهجرة. Il dit enfin j'ai commencé à me couper petit à petit de ce groupe même si j'avais un bon comportement avec eux et il a dit jusqu'à ce qu'arrive l'événement de leur réunion le jour du 28 Rajab en l'an 1402 de l'Hégire. ويقول ونظرا الى اعلان هذا الاجتماع مبكرا ببلجيكا فكنا ننتظر اناسا كثيرا لاشتراكهم فيه واخيرا جاء ذلك اليوم وانا كذلك كنت اود ان استفيد استفاده كثيره من هذا الاجتماع ولذا قبل الاجتماع ذكرت مرغبا للإخوان بأن هذا الاجتماع اجتماع كبير وسيشترك فيه كثير من الأتراك أيضا وعلينا أن نشترك جماعة كذلك وبهذا سنجد فرصة للكلام مع الناس عن التوحيد. Il dit vu qu'il y a eu une grande propagande pour très tôt en Belgique pour cette réunion, il dit nous attendions beaucoup de monde et enfin ce jour est arrivé. Il dit moi aussi je voulais profiter de ce grand réunion. Et avant la réunion, j'ai dit à mes frères, et j'ai insisté mes frères à y aller à cette grande réunion. Et qu'il y a beaucoup de Turcs qui vont venir là-bas, il faut qu'on y soit. Comme ça, nous allons trouver l'occasion pour montrer aux gens et parler aux gens du monothéisme. ويوم الثاني منه جئنا مثنا إلى الموضع وكلنا تكلمنا مع المخاطبين عن التوحيد بما لدينا من العلم وكنا نحاول أن نلفتهم إلى غاية خلقنا التي هي العبادة لأن عند خروج مع هؤلاء وخاصة مع مشايخهم لم أرى أحدا منهم تكلم عن التوحيد. Et le deuxième jour, il a dit, nous sommes arrivés deux par deux à l'endroit de la réunion. Il a dit, chacun de nous a parlé avec ceux qui sont présents avec du monothéisme selon le bagage scientifique que nous avions. Et il a dit, nous atterrions l'intention de ceux qui étaient là pour le but pour lequel nous sommes créés. Car il a dit, durant ma sortie avec eux et surtout avec leurs grands, avec leurs machaires, je n'ai vu aucun parmi eux parler du monothéisme. وبالطبع أمرنا هذا قد رؤية من بعض المراقبين. فلذا بدأوا يحيطون حولي ويسألوني بعض الأسئلة ويقولون مثلا لماذا تشوش عقول الناس بالأشياء التي لا يفهمونها فتفسد عقول المسلمين الصافية بآراء ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب الباطلة فأخذوا يتهمونني بهذه الأشياء والتهم. Et naturellement, il a dit, notre situation a été vue par certains observateurs. Et ils ont commencé à nous entourer, à nous poser des questions. Pourquoi vous perturbez l'esprit des gens avec des choses qu'ils ne comprennent pas? Pourquoi vous ramenez du mal dans l'esprit des musulmans, dans l'esprit clair des musulmans, avec les opinions d'Ibn Taymiyyah, de Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui sont des opinions fausses? Ils ont commencé à m'accuser de choses. وأخيرا جاء عبد القادر عمر قوش أميرهم ببلجيكا فأخذني إلى الخارج وكان يعرفني تمام المعرفة لخروجي معه أول مرة بجماعة التبليغ كما ذكرت ذلك فيما سبق. فقال لي موجها بعض الأسئلة: يا أبا سعيد، يقولون بأنك من جماعة التكفير، فهل هذا صحيح؟ فقلت له: من قال لك هذا؟ فقال لي: لا أعرف، إنما كل يقولون بأنك تكفر المسلمين. فقلت مجيبا: لا، تكفير المسلمين حفظنا الله منه ونحن براء من ذلك، فهل يمكن أن تعطيني مثالا عليه؟ فكيف أكفرهم؟ فأجاب على الفور قائلا: تكفر أهل التصوف. فأجبت عليه قائلا: أتقصد هؤلاء الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغيره؟ فالله يكفرهم ولست أنا بمكفر. فذهب وتركني بدون أن يرد علي. Et il dit enfin, Abdel Kader Kouch, Omar Kouch, qui était l'émir de la Belgique, il m'a pris, il m'a amené dehors et il le connaissait auparavant, il disait, parce qu'il est sorti avec la première fois avec Jamaat Tbilir. Et il dit, il m'a posé des questions. Ya Aba Saïd, on dit que tu es devenu Tkfir et tu fais partie de Jamaat Tkfir. Est-ce que c'est vrai? Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Il a dit, je ne sais pas. Mais ils disent que tu rends mécréants les musulmans. Et je lui ai répondu, rendre mécréants les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Je suis innocent de tout ça. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Comment je peux les rendre mécréants? Et il a répondu par la suite, tu rends mécréants les gens du soufisme. Je lui ai répondu, est-ce que tu veux dire ceux qui invoquent autre qu'Allah azzawajal et qui cherchent secours chez autre qu'Allah azzawajal? Allah subhanahu wa ta'ala les rend mécréants, c'est pas moi qui les rends mécréants. Et il est parti et il m'a laissé sans me répondre. ويقول أخونا وأردت أن أدخل إلى الداخل مرة ثانية وهذه المرة لم يسمحوا لي بالدخول فكأنهم أحاطوا المدخل وبدأت أنتظر في مكاني فبدأوا يطردون إخواني إلى الخارج واحدا واحدا وبعد نصف ساعة جميع الإخوان كانوا خارج الباب. Il dit je voulais retourner dans la salle de la réunion une deuxième fois. Il a dit cette fois ils m'ont pas laissé rentrer. Ils ont entouré les entrées et après j'ai attendu à ma place et après ils ont commencé à jeter dehors nos frères l'un après l'autre. Et après une demi-heure, il a dit tous les frères étaient dehors. وقد أخذوا من بين هؤلاء الإخوان شخصا إلى مشايخهم وأمسكوه في الداخل واسم هذا الأخ ومصطفى ثم طردوه موجهين إليه بتهم كثيرة. Il dit, et parmi nos frères, ils ont pris un frère particulier, ils l'ont amené à leur mashayikh, ils l'ont retenu beaucoup à l'intérieur et ce frère, il s'appelait Mustapha et ils l'ont rejeté en lui faisant beaucoup d'accusations. وبالطبع بعد ساعة أو ساعتين رجعنا إلى المسجد وسمعنا بالغد أنهم ضربوا شخصا يسمى فاروق حنيف حتى الفجر ظانين بأنه له ارتباطا بنا وقد كتب هذا الأخ قصته بنفسه وها هي ملصقة بهذا التقرير والله من وراء القصد وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Il dit et naturellement après une heure ou deux heures nous sommes retournés à la mosquée et nous avons entendu le lendemain matin qu'ils ont frappé un frère qui s'appelle Farouk Hanib jusqu'à l'aube. Croyons qu'il avait une liaison avec nous et ce frère a écrit son histoire et c'est elle qu'on lira une autre fois, Inch'Allah. Et ceci a été écrit en Belgique le 24e du 9e mois de 1408 par Mohamed Abu Saïd Lierbouzi, qui l'a envoyé à un Cheikh Hamidin, qui l'a envoyé à Cheikh Twijri, Hafidhahullah Ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, l'heure de l'Mghrib est arrivé. Inch'Allah, Al-Ghuraba, c'est Ramadan demain. Pour terminer avec le sujet d'Yel Tablir, au moins ce sujet-là que nous avons commencé,